Le gouvernement nigérien a fait parvenir à l'ambassade coréenne dans son pays un mémorandum au nom du ministère des Affaires étrangères pour formuler du soutien à l'orientation de réunification du pays, précisé par le maréchal Kim Jong-un à l'historique 7e congrès du Parti du Travail de Corée.